la rue, faut pas faire le fou. Tu m'as vu que je roule des pétous. Sans ma mère, les Smith tirent en tout. Qu'est-ce que tu me fouilles, j'ai Wellou. C'est la rue, pas de loi, on nique tout. Elle m'a dit, elle m'a pris le chou. Ils me font rire, genre j'ai pris un coup. Tête à tête, ton cul, tu ripou. Ça rafale sec, sec. Vroom, vroom en moto. T'as fait les pec, pec. On voit le yo-yo. J'suis pas sur tech, tech. J'suis dans ton rétro. Ces fils de pute, ils m'arrêtent quand j'roule mon pète en Clio. Ça rafale sec, sec. Vroom, vroom en moto. T'as fait les pec, pec. On voit le yo-yo. J'suis pas sur tech, tech. Non, j'suis dans ton rétro. Ces fils de pute, ils m'arrêtent quand j'roule mon pète en Clio. Smell les cous, ouais, je captais pas là. J'étais sous le bras d'au carénage. Au fait, toi, tu me disais quoi hier, ça a trop fait carnage. Fais tourner un peu la belle V. La belle, elle m'a achevé. J'ai même plus de quoi, j'ai rêvé. Faut que je taille, passe-moi mon survêt. Elle me plaît, la cousine, elle a tout. Ce soir, je vais la chercher chez elle. Tu crois qu'on dort, on voit tout. Je te le dis, ça te ménique, bezef. À ton coup, je finis mon pétou. C'est midi, faut tailler de l'hôtel. Tu peux inventer, on sait tout. Y'a des dossiers, fais pas ta belle. Ça rafale sec, sec. Vroom, vroom en moto. T'as fait les pec, pec. On voit le yo-yo. J'suis pas sur tech, tech. J'suis dans ton rétro. Ces fils de pute, ils m'arrêtent quand j'roule mon pète en Clio. Ça rafale sec, sec. Vroom, vroom en moto. Vroom vroom en moto. T'as fait les pec pec. On voit le yo-yo.